الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers auditeurs, nous continuons la lecture et l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala intitulé Al-Aqidah al-Wasitiyah, dans lequel il a exposé la croyance du groupe sauvé. Nous en sommes toujours à ce passage dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné une multitude de versets du Coran dans lesquels se trouve l'exposé de nombre de noms et d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le cours dernier, nous nous sommes arrêtés au passage concernant l'attribut de la volonté, al-irada. Et nous avons vu que al-irada, la volonté, est de deux sortes. Il y a al-irada al-kawniyah, la volonté universelle, qui correspond à l'attribut d'al-mashi'a, et qui désigne ce qu'Allah veut, subhanahu wa ta'ala, dans le sens où cela se produit, que ce soit une chose qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, aime ou non. Et la deuxième volonté, nous avons vu que c'est al-irada al-shar'iyah, la volonté religieuse, qui désigne ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut parmi les choses qu'il aime. Et celle-ci peut se produire comme elle peut ne pas se produire. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a fait suivre ce passage des versets nous démontrant l'attribut de l'amour. Et il a mentionné à ce sujet 8 versets afin de nous démontrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime certaines personnes, certaines choses, certaines actions. Nous prouvons ainsi qu'il y a, parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétées et a voulu de par sa volonté universelle, il y a des choses qu'il n'aime pas, à l'exemple de la mécréance du kafir et l'ensemble des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala les a voulu dans le sens qu'il les a décrétées bien qu'il ne les aime pas. Et il peut aussi vouloir, subhanahu wa ta'ala, des choses qu'il aime comme la foi du croyant, et l'ensemble des œuvres d'obéissance. Le premier verset qu'il a mentionné ici est le verset 195 de Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » Et soyez bienfaisants, certes Allah aime les bienfaisants. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne l'ihsan, la bienfaisance, qui consiste à accomplir l'œuvre que tu fais pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière et de la façon la plus complète. C'est cela qui est visé par l'ihsan, la bienfaisance dans les actions, de les accomplir de la meilleure manière et de la façon la plus complète. Et ceci est le plus haut degré dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord, il nous ordonne l'ihsan, nous ordonne la bienfaisance. Ensuite, il nous dit « Inna Allah yuhibbu al-muhsinin » Certes, Allah aime les bienfaisants. Il nous donne la raison pour laquelle il nous ordonne la bienfaisance. Il nous ordonne cela car c'est une chose qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Il aime la bienfaisance et il aime, parmi ses serviteurs, ceux qui sont bienfaisants. Donc ceci t'encourage, si tu souhaites obtenir l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à te parer de cette noble caractéristique, qui est l'ihsan, et de veiller à accomplir tes œuvres en faisant preuve de bienfaisance. Et si tu atteins ce degré, si tu atteins le degré de la bienfaisance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu veilles à accomplir l'ensemble de tes actions de la meilleure manière et de la façon la plus complète, alors sache que tu seras aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'amour fait partie des attributs de notre Seigneur. Il aime d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Et si tu souhaites obtenir cet amour, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te place parmi ceux qui l'aiment, alors sois du nombre des bienfaisants. Et médite aussi sur l'ensemble des caractéristiques qui vont venir dans les versets suivants. Il a donc mentionné ensuite une partie du verset 9 de Surat Al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ et soyez justes, faites preuve d'équité, c'est-à-dire dans vos échanges, dans vos relations avec les gens, dans vos jugements. Soyez justes et faites preuve d'équité, que ce soit avec la personne proche ou avec la personne lointaine, que ce soit avec celui que tu aimes ou avec celui que tu détestes. Tu te dois de faire preuve de justice. Et ceci est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqsitu. Soyez juste, soyez équitable dans vos relations, dans vos jugements, comme Allah subhanahu wa ta'ala vous l'a ordonné. Ensuite il dit, Inna Allah yuhibbul muqsitin. Certes, Allah aime ceux qui sont justes, ceux qui font preuve d'équité. Donc comme dans le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir ordonné la justice et l'équité, il nous donne la raison de cet ordre, qui est que cette justice, cette équité, et ceux qui font preuve de justice et d'équité, sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est également un encouragement à te parer de ce noble caractère, ce noble comportement qui fait partie des caractéristiques des croyants. Ils font preuve de justice avec les gens, que ces gens soient proches ou lointains, que ce soit des gens qu'ils aiment ou qu'ils détestent. Ils veillent toujours à être justes dans leurs relations et dans leurs jugements. Et ceci est une autre des caractéristiques aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala aime cette caractéristique, qu'il aime la justice, ceci t'indique qu'il récompense celui qui se pare de cette noble caractéristique de la meilleure des manières. Et ceci t'encourage à faire de grands efforts pour concrétiser et atteindre ce noble caractère. Il a ensuite mentionné, rahimahullah, le verset 7 de Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ » Tant qu'ils se tiennent droit pour vous, tenez-vous droit pour eux. Qu'est-ce que cela signifie? Tant qu'ils se tiennent droit pour vous, c'est-à-dire les polythéistes, tant qu'ils respectent leurs engagements vis-à-vis de vous, qu'ils ne rompent pas leurs engagements, alors soyez droit pour eux, c'est-à-dire vous aussi, soyez fidèles à vos engagements à leur égard, et ne les combattez pas. Ceci est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être fidèle aux engagements qui sont pris même avec les polythéistes, et de ne pas rompre ces engagements. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans les versets précédents, il nous explique pourquoi il nous ordonne cela. Une des raisons. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah aime al-muttaqin, les vertueux, ceux qui se parent de cette noble caractéristique qu'est la taqwa, qui désigne le fait de te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en les accomplissant, par espoir de sa rétribution, et de te soumettre à ses interdits en les délaissant, par crainte de son châtiment. C'est ça, taqwa, que l'on traduit par la piété, ou parfois par la crainte pieuse, ou autre traduction similaire. C'est cela qui est visé lorsqu'on te dit « crains Allah ». Fais preuve de piété à l'égard d'Allah. Soumets-toi à ses ordres en les accomplissant, et soumets-toi à ses interdits en les délaissant. Et parmi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, et qui fait partie de la taqwa, le fait de respecter ses engagements, de ne pas les rompre, d'être fidèle aux engagements que l'on prend avec les gens, même s'ils font partie des polythéistes. Et ceci fait partie des œuvres d'al-muttaqin, des vertueux, ces vertueux qui sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbu al-muttaqin. Donc tu veux faire partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime? Sois du nombre des vertueux, fais preuve de piété à l'égard d'Allah, soumets-toi à ses ordres en les accomplissant, soumets-toi à ses interdits en les délaissant, respecte et sois fidèle à tes engagements envers les gens, tu seras aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné une partie du verset 222 de Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna Allah yuhibbu at-tawwabin » وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ Certes, Allah aime At-Tawabin, qui désigne ici ceux qui se repentent. Et ici, le mot At-Tawab, il est sous une forme qui indique qu'ils se repentent souvent, fréquemment. C'est-à-dire qu'ils reviennent sans cesse à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime ceux qui reviennent sans cesse à lui. C'est-à-dire ceux qui, lorsqu'ils faiblissent et commettent un péché, ils le délaissent pour Allah subhanahu wa ta'ala, le regrettent de l'avoir commis, ont des remords, ont la volonté de ne plus le commettre, ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala par cela. C'est cela qui est visé par At-Tawbah, le repentir. Revenir à Allah subhanahu wa ta'ala après avoir péché, et ce, en délaissant ce péché, en ayant des remords d'avoir commis ce péché, et en ayant la volonté de ne plus commettre ce péché. Celui qui agit ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime. Il aime ses serviteurs qui reviennent sans cesse à lui. Et ceci est une bonne nouvelle pour le croyant, car nul parmi les enfants d'Adam n'est à l'abri des péchés, et chacun a parfois des moments de faiblesse, fait certains écarts ou certains faux pas. Mais si lorsqu'il lui arrive de faiblir, il se rappelle de son Seigneur subhanahu wa ta'ala et revient à Allah subhanahu wa ta'ala par cette adoration immense qui est At-Tawbah, le repentir, alors il sera aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Certes, Allah aime ceux qui se repentent, ceux qui reviennent sans cesse à lui. Et il est à noter que At-Tawwab, cela signifie celui qui se repent fréquemment, qui revient sans cesse à Allah, lorsque cela désigne le serviteur. Car At-Tawwab est aussi un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est Tawwab. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il facilite à son serviteur le repentir et accepte cela de lui. C'est pour cela que vous verrez souvent ce nom traduit par « le grand accueillant au repentir ». C'est-à-dire que, de la même manière que le serviteur revient sans cesse à Allah subhanahu wa ta'ala et se repent, Allah subhanahu wa ta'ala est tawwab et il accepte se repentir de la part de son serviteur. Ensuite, il nous est mentionné une autre caractéristique parmi les caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Lorsqu'il dit وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ et il aime ceux qui se purifient. Ceux qui se purifient de toute souillure. Que ce soit les souillures physiques, matérielles et palpables, ou alors les souillures morales, à commencer par la plus grande des souillures, qui est le polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se purifient, ceux qui purifient leur cœur de tout ce qui s'oppose à la foi, qui se purifient du polythéisme majeur et mineur, qui se purifient de l'ostentation, de l'orgueil, de la vanité, qui se purifient de toutes les maladies du cœur. Et il aime aussi ceux qui se purifient physiquement, ceux qui accomplissent les ablutions pour se rapprocher de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, ceux qui se nettoient de toute souillure et de toute saleté, et qui veillent à être sans cesse purifiés. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Certes, Allah aime ceux qui reviennent sans cesse à lui par le repentir, et il aime ceux qui se purifient. Donc ceci sont deux autres caractéristiques desquelles doit veiller le croyant à se parer s'il souhaite être de ceux aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné le verset 31 de Surat Ali Imran. Ce verset immense appelé Ayatul Mihna, le verset de l'épreuve, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit à ces gens qui prétendent aimer Allah subhanahu wa ta'ala, Qul, dit, c'est-à-dire dit, ô messager d'Allah, ô Muhammad, dis-leur à ces gens qui prétendent aimer Allah, In kuntum tuhibbun Allah, si vous aimez Allah, c'est-à-dire si vous aimez vraiment Allah, alors soumettez-vous à l'épreuve suivante pour montrer que vous êtes véridique. Fattabi'uni yuhbibukum Allah. Alors suivez-moi, suivez le messager d'Allah, suivez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si vous aimez vraiment Allah, suivez son messager. Suivez sa législation. Obéissez à ses ordres. Délaissez ses interdits. Prenez-le pour modèle. Yuhbibukum Allah. Allah vous aimera. Donc on voit dans ce verset que ceux qui veillent à suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont aimés par Allah. Et on voit aussi que tous ceux qui prétendent aimer Allah, mais qui n'empruntent pas la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne suivent pas sa religion, qui ne suivent pas sa voie, alors ceux-là sont menteurs dans leur prétention d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui aime vraiment Allah, il doit se soumettre à cette épreuve et suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour démontrer qu'il aime vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Et s'il suit le messager d'Allah, alors en plus d'avoir prouvé sa véracité dans l'amour d'Allah, il obtiendra ce qui est plus grand encore, qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'aimera. Yuhbibukum Allah. Donc plus tu veilleras à suivre ce messager, plus tu veilleras à le prendre pour modèle et à te cramponner à sa sunnah, plus tu seras aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné une partie du verset 54 de Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Allah fera alors venir des gens que lui aime et qui, eux, aiment Allah. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ses serviteurs en leur disant que s'ils délaissent leur religion, qu'ils ne secourent pas leur religion, qu'ils n'établissent pas la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala est tout à fait capable de les faire périr et de les remplacer par d'autres de ses serviteurs qu'il aimera et qui, eux, aimeront Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset est une preuve, comme les versets précédents, que l'amour fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il aime d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur a mentionné une partie du verset 4 de Surat As-Saff, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ. Certes, Allah aime ceux qui luttent sur son sentier en rang serré, pareil à un édifice renforcé. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui luttent sur son sentier. Ceux qui luttent sur son sentier par leur bien et par leur personne pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus élevée. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'ils luttent sur son sentier en rang serré, tel un édifice renforcé, sans ne laisser aucun espace entre eux. Donc dans ce verset, on voit que il fait partie des actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime que son serviteur lutte sur son sentier, qu'il lutte par sa personne, qu'il lutte par ses biens, pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus élevée, la plus éminente. Et ceci n'a lieu bien évidemment que de manière légiférée. Enfin, l'auteur, rahimahullah, a mentionné ici le verset 14 de Surat Al-Buruj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. Et il est Al-Ghafour, c'est-à-dire celui qui pardonne beaucoup, et Al-Wadud, celui qui aime ceux qui lui obéissent. Donc Al-Ghafour et Al-Wadud sont deux des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ghafour, il nous indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne beaucoup, c'est-à-dire qu'il pardonne à ceux qui se repentent, ceux qui reviennent à lui. Il cache leurs péchés et passe sur leurs mauvaises actions. Et il est Al-Wadud qui nous indique l'attribut d'Al-Wud, qui est l'amour pur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime parmi ses serviteurs ceux qui lui obéissent. Et le Shaykh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit ici un bénéfice immense, qui est que la réunion de ces deux noms, dans ce verset, nous indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur après l'avoir pardonné. C'est-à-dire qu'il lui pardonne et après lui avoir pardonné, il l'aime. Donc ceci nous pousse à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala par le repentir, afin d'obtenir le pardon d'Allah, puis une fois pardonné, tu seras de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Donc tous ces versets, ils nous démontrent de manière explicite qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime certaines personnes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime certaines actions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime certains comportements. Il fait donc partie de ses attributs, l'attribut de l'amour. Al-mahabba et al-mawadda font donc partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants. Il aime ceux qui sont équitables. Donc il aime la bienfaisance et il aime l'équité. Il aime les vertueux, al-muttaqin, donc il aime la taqwa, il aime la piété. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui suivent son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il aime ceux qui luttent sur son sentier. Il aime ceux qui reviennent sans cesse à lui, qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Donc l'amour, al-mahabba, fait partie des attributs d'Allah. Et si tu souhaites qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, alors pars-toi de l'ensemble de ses caractéristiques. Sois du nombre des bienfaisants en t'appliquant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala en veillant à l'accomplir de la meilleure manière. Veille à être juste dans tes propos, dans tes relations et dans tes jugements. Veille également à faire preuve de piété, à te soumettre à l'ensemble des ordres d'Allah en les accomplissant, à te soumettre à l'ensemble de ses interdits en les délaissant. Veille au suivi de son messager sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien dans la croyance que dans l'adoration, dans le comportement, dans la conduite et ainsi de suite. Veille aussi à lutter sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala à hauteur de tes capacités et reviens sans cesse à Allah subhanahu wa ta'ala par le repentir à chaque fois qu'il t'arrive de commettre un péché, et veille à être du nombre de ceux qui se purifient. Et si tu agis de cette manière, alors tu seras du nombre de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, aime. Tu obtiendras l'amour d'Allah, cet amour qui fait partie de ses attributs auxquels on se doit de croire et que l'on se doit d'affirmer d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Et tu peux méditer lors de ta lecture du Coran sur tous les autres versets où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne certaines caractéristiques, certaines œuvres, certaines actions et certains comportements qu'il aime et qu'il agrée, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné 6 versets concernant 2 autres des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont Ar-Rahma, la miséricorde, et Al-Maghfira, le pardon. Il fait donc partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait miséricorde et qu'il pardonne. Le premier verset qu'il a mentionné est Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On voit donc dans ce verset l'affirmation de ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont Ar-Rahman et Ar-Rahim, qui nous indiquent tous deux que Ar-Rahma, la miséricorde, fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa miséricorde est vaste et embrasse toute chose, comme on va le voir dans le verset suivant. En effet, l'auteur, rahimahullah, a mentionné ensuite une partie du verset 7 de Surat Ghafir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des anges qui portent son trône et qui implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en faveur des croyants. Et ils disent lors de leur invocation « Rabbana » وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. Ô notre Seigneur, tu as atteint toute chose de ta miséricorde et de ton savoir. C'est-à-dire que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et son savoir atteignent toute chose. Et ceci nous démontre la largesse de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, il n'y a pas une créature sans qu'elle ne bénéficie d'une part de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que cette créature soit musulmane ou mécréante, toutes les créatures sur terre bénéficient de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ce n'était pas le cas, nul parmi eux n'aurait eu de quoi se nourrir, de quoi s'abreuver ou de quoi respirer. Tout ceci est une part de miséricorde. Donc, dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde à l'ensemble des créatures. Sa miséricorde atteint toutes choses. Et dans l'au-delà, sa miséricorde sera réservée aux croyants. Comme il le dit dans le verset suivant que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité, qui est une partie du verset 43 de Surat al-Ahzab, « Wa kana bil mu'minina rahima » Et il est rahim, il est miséricordieux envers les croyants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe ici que les croyants bénéficient d'une part de miséricorde qui leur est spécifique, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Dans ce bas monde, ils bénéficient d'une part de miséricorde spécifique car Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés à la vérité qu'autres qu'eux ont ignoré. La majorité des gens sur terre sont dans le polythéisme et la mécréance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a guidé les croyants à la foi. Ceci n'est-il pas une démonstration de sa miséricorde envers ce serviteur? C'est la plus belle des miséricordes, qu'il t'ait guidé à la foi, qu'il t'ait montré la voie de la vérité, qu'il t'ait indiqué ce chemin que beaucoup parmi les créatures, si ce n'est la majorité d'entre elles, n'ont pas trouvé et se sont égarés. Et ceci est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'au-delà, il fera miséricorde aux croyants en les préservant de la grande frayeur et en les mettant en sécurité, puis en les faisant entrer au paradis. Et telle est sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, envers ses serviteurs croyants. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné une partie du verset 156 de Surat al-A'raf, dans lequel Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit « Wa rahmati wasi'at kulla shay » Et ma miséricorde atteint toute chose. On voit donc une fois de plus que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est une miséricorde large qui atteint l'ensemble des créatures, croyants ou mécréants, pieux ou pervers. Tous bénéficient d'une part de miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme on l'a vu dans le verset précédent, il y a une miséricorde plus particulière, une miséricorde qui n'atteint que les croyants. Et de cette miséricorde découle le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et cette miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala l'a réservée aux croyants. Et c'est pour cela qu'il dit dans la suite de ce verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité dans Surat al-A'raf, « Wa rahmati wasi'at kulla shay » Et ma miséricorde atteint toute chose. « Fasa'aktubuha lilladina yattaqoon » Je vais donc l'écrire pour ceux qui font preuve de piété, qui se soumettent aux ordres d'Allah en les accomplissant et à ses interdits en les délaissant. « Wa yu'tuna az-zaka » Ceux qui s'acquittent de la zakat. « Walladina hum bi-ayatina yu'minun » Et ceux qui ont foi en nos signes. Ceux-là sont ceux qui bénéficieront de cette miséricorde qui leur permettra d'atteindre le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me placer ainsi que vous parmi ceux à qui il fera grâce de cette miséricorde. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné une partie du verset 54 de Surat al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah » Et votre Seigneur a prescrit pour lui-même la miséricorde. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa bienfaisance, il s'est imposé à lui-même de faire miséricorde à ses créatures. Et cette miséricorde, si tu souhaites faire partie de ceux qui en bénéficieront, alors il t'incombe de suivre ce qui est venu dans la suite de ce verset. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, « Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma » Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance et s'est ensuite repenti et s'est réformé, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire qu'il est obligatoire de délaisser les péchés, de les abandonner, de les regretter, de se réformer, d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint et commandé, de réparer ce que l'on a pu corrompre parmi nos actions aussi bien apparentes que intérieures, en purifiant nos cœurs. Et si l'on fait cela, alors on obtiendra le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné le verset 107 de Surat Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa huwa al-ghafur al-rahim » Et il est le pardonneur, al-ghafur, celui qui pardonne les péchés comme on a vu, qui les couvre et passe sur les mauvaises actions de son serviteur qui se repent à lui et implore son pardon. Et il est miséricordieux. Quel que soit le péché que le serviteur puisse commettre, même le shirk, s'il revient à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et lui fait miséricorde. Il lui pardonne, il couvre son péché et passe sur sa mauvaise action. Et il lui fait miséricorde en lui facilitant le fait de s'éloigner de cette mauvaise action. Enfin, l'auteur, rahimahullah, a mentionné une partie du verset 64 de Surat Yusuf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Ya'qub alayhi salam, qui lorsque ses fils lui ont demandé de prendre avec eux leurs frères, puis qu'ils se sont engagés à assurer sa protection, il leur a dit Fallahu khayrun hafidha. Allah est meilleur protecteur. C'est-à-dire que la protection d'Allah est meilleure pour lui que votre protection. Donc Ya'qub alayhi salam, il s'en est remis pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala pour la protection de son fils. Et Al-Hafidh, cela fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est celui qui préserve ses serviteurs d'une préservation générale de la perdition. Il est aussi Al-Hafidh dans le sens où il recense les œuvres de ses serviteurs. Et il est Al-Hafidh car il préserve ses serviteurs croyants d'une préservation particulière en les protégeant de tout ce qui pourrait corrompre leur foi et tout ce qui pourrait leur nuire dans leur religion ou dans leurs affaires mondaines. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Le plus miséricordieux des miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus miséricordieux envers son serviteur que ne l'est une mère pour son enfant. Et tu dois avoir conscience de cela, qu'il n'y a pas plus miséricordieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Donc Al-Rahma et Al-Maghfira font partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde et le pardon. Et comme les autres attributs, nous les affirmons pour Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Lorsque l'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, est-ce que cela signifie que sa miséricorde est semblable à la miséricorde des créatures? Non. Le fait d'affirmer cela ne revient pas à comparer Allah à ses créatures. Laysa kamithlihi shay. Rien n'est semblable à lui. Wa huwa as-sami' al-basir. Il est celui qui entend et celui qui voit. Rien n'est semblable à lui, mais nous affirmons pour lui ses attributs qu'il a affirmés pour lui-même d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Le Créateur a des attributs qui conviennent à sa grandeur et à sa majesté qui lui sont propres, et la créature a des attributs qui conviennent à sa nature et qui lui sont propres. Laïsa kamithlihi shay, rien n'est semblable à lui. Mais on affirme pour lui l'attribut de la miséricorde, on affirme pour lui l'attribut du pardon, et on affirme pour lui aussi, comme on l'a vu aujourd'hui, l'attribut de l'amour. Et tous ces attributs font partie des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui sont venus dans de nombreux versets, comme vous avez pu l'entendre aujourd'hui à travers la lecture de ces versets mentionnés par l'auteur, rahimahullah ta'ala. Et nous verrons dans le cours prochain les versets suivants qui concernent notamment l'attribut de l'agrément et de la colère et autres parmi les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم